Parasite, tous les dimanches soirs à 21h, c'est l'émission la plus métal de la bande FM. Au programme, vous retrouverez tous les artistes et les acteurs du hard rock, du thrash, du death et du black metal. De nombreuses nouveautés seront dans l'actualité chaque semaine, ainsi que les découvertes de nouveaux groupes. Les annonces de concerts ainsi que les interviews seront au programme. Alors n'oubliez pas, le dimanche soir sur Fly FM, Parasite, 21h, 23h. Ça tombe bien, on est en direct évidemment, toujours l'émission Parasite 21h-23h, tous les dimanches soirs en direct. Et le vendredi, c'est à partir de 22h pour la rediffusion de l'émission. Ce soir, c'est la dernière de la saison 2016-2017. Et puis, on les attendait depuis très longtemps dans les studios de Fly FM, ils sont de retour depuis 2012. Ça faisait un moment qu'on les appelait, ils ne répondaient plus. Personne. Et ils sont là ce soir, ils nous font bien plaisir avec leur nouvel album Getting Through. On va tout savoir ce soir sur le nouvel album qui sort ces jours-ci. Eh bien, les Ghost Rappers sont dans le studio. Bonsoir à vous. Bonsoir. Salut, salut. Et ils ont amené aussi leur voix sexy. On l'entend de suite, hein, ça arrive. Turbo Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Super. On sera à deux à poser plein de questions. Oui, pour dernière groupe. Émission de la saison. Ouais. Mon Reda au mois de septembre. Dimanche 11 juin, il y a les élections, mais il y a les Guts Clippers. Ouais, ça y est, ils ont voté. Hein. Les gens ont voté, j'espère qu'ils ont bien voté cette fois-ci. Enfin bon, on est en direct dans l'émission Parasite, 2 heures de hard rock, trash, death, black metal, surtout hard rock and roll ce soir. C'est ça, c'est ça. Ah, oui, hard rock, mais aussi on aime bien le death aussi. Hein. Attends, le death metal. Hein. Tu sais que moi je suis un fan de l'émission. Je te contacte toujours par Facebook. Des fois je l'embête, mais bon. Non, ça m'embête pas du tout. Oui, c'est l'occasion de passer du bon death metal comme tu aimes. Mais je suis super content d'être là ce soir. Ah bah ça fait plaisir. Punaise, ouais. Il est pas le seul. Et il y a aussi William, guitariste. Salut tout le monde. Thierry chanteur, hein, William guitariste. C'est la première fois que tu vas dans le studio de Fly FM. La dernière fois, tu n'as pas pu venir, je crois. J'ai fait un vœu. Vous ne direz pas lequel, parce que ça se dit pas. Mais c'est la première fois, oui, effectivement. Oui. Très bien. On va discuter. On va parler guitare, parce qu'il y a deux guitaristes, hein. Et Fred aussi, de retour. Bonsoir. Et oui. Bonsoir. Tu es là? Oui, je t'entends pas. Tu m'entends pas? Non, je t'entends pas. T'es où? Alors. T'es là? T'es où? Allô? Et ton micro qui ne marche pas très bien. Il est là peut-être. Vas-y. Tu m'entends. Peut-être que je vais t'entendre avec la guitare plus tard. On va régler ce petit problème technique. On va commencer l'émission Parasite maintenant avec un petit morceau un peu humoristique. Hein, Thierry, tu connais ce morceau? Oui, c'est le morceau du Travomi et mon camion. Ouais, puis de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura du Ghost Rappers tout au long de l'émission Parasite. Camion. C'est parti. We'll be right back. Fly FM. Dans l'émission Parasite en direct avec le groupe Gunscrapers qui écoute un petit peu l'émission pour l'instant, mais on va vite revenir au sujet principal de cette soirée, le groupe Gunscrapers et l'album Getting Through. Alors déjà, bon retour hein, dans le monde du métal, du hard rock, et avec un disque nouveau, tout nouveau. Alors comment s'est passée cette réalisation qui a mis un peu de temps quand même, parce que depuis 2012 il y a pas mal d'eau qui a passé sous les cours, de la bière qui a coulé à flot on va dire. Alors comment ça s'est passé toute cette histoire depuis 2012? Alors que s'est-il passé? On va revenir en 2012 et voilà, faire un peu progressivement comme ça l'émission. D'accord, donc si tu veux, tu te rappelles, on avait sorti l'album en autoproduction. Oui. Ensuite on a trouvé le deal avec Brennus, ouais. Chez qui l'album sort aujourd'hui, qui est maintenant notre maison de disques depuis 2013. Et donc du coup, sorti de l'album... on va dire officiel en 2013. Là-dessus, on a monté une tournée pour aller le défendre. Pouvoir. Voilà, exactement. Donc on s'est retrouvé sur des plateaux de plus en plus beaux. Hein. Ouais. Et parallèlement, il y avait tout le travail. On n'a pas réellement de manager. On se manage tous les cinq. Ah d'accord. Donc ça prend un peu de temps quand même. C'est vraiment un projet d'une grosse ampleur, mais qui est, ça va, on est cinq bosseurs et on avance de front et C'est plutôt pas mal. C'est bien. Mais déjà à l'époque, vous avez fait une tournée de promo pour le premier album. Vous êtes monté à Paris, un peu partout aussi. Oui. On avait même déjà en 2009, on était déjà sur Metz et tout ça aussi. On avait déjà joué aussi à l'île Saint-Denis, à Paris, enfin, à côté. C'est-à-dire que toujours monter le tour pendant qu'en même temps tu composes. Mm-hmm. T'as écouté le disque, on voulait vraiment faire c'est une réalisation artistique, c'est mm-hmm. vraiment ça, c'est un projet artistique. Oui, et entre amis au départ, hein, parce entre que amis, vraiment, vous restez des amis depuis très longtemps. Bien entendu. Et est-ce qu'on peut présenter les absents quand même? Parce qu'il faut en parler, ils ne sont pas là dans les studios, mais ils sont sûrement là derrière leur poste. C'est William et Fred qui sont à la guitare, ils vont jouer d'ailleurs deux morceaux ce soir en direct. Ouais. Et puis Thierry qui va chanter, il n'y a pas la rythmique. Et donc voilà, qui manque-t-il? Alors il manque effectivement la rythmique, donc la batterie, Monsieur Mercier, Monsieur Pierrot, notre frérot donc à la batterie, et puis notre Flo national. Flo qui était venu la dernière fois. Exactement, quand à la basse, et on leur fait de gros poutous à nos poteaux, et il nous manque tout le temps. Ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient un peu loin, c'est ça, hein. Et oui, ils sont tous les deux dans la Creuse, donc... Dans le Nord. Dans le Nord. C'est pas le Nord. Nord. C'est la terre du milieu. C'est au-dessus des Avignon. Amis creusois, je vous aime. C'est bien. Dommage, un jour on essaiera de faire l'équipe entière, le groupe entier, ça serait pas mal. Oui. Plaisir. Et William, toi aussi, tu n'étais pas venu la première fois, et ça fait bien plaisir de te voir. Non, et à vrai dire, je sais plus, j'avais peut-être piscine ou un truc. Sûrement, voilà. Non, je sais pas quoi. En général, j'adhère complètement à ce genre d'exercice, donc j'avais dû avoir une bonne raison. Ouais. Tu avais été excusé. Mais je suis très content d'être là. Mm-hmm. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, et je pense qu'au fur et à mesure de l'émission, je vais continuer à le dire en fonction du degré d'alcool que j'aurai dans le sang. Exactement, voilà. C'est ce que j'allais dire. Hein. Après tout se décompresse, c'est toujours comme ça. Hein. On plaisante. Dure deux heures. Ouais. Et consommer avec modération. Tu verras à Fly FM, en fait, au début, tu es un peu tendu, mais après, ça va super. C'est ce que j'allais dire, on sent un peu tendu, mais c'est normal. Après, on boit de l'eau, on a à la fin de la soirée un coma hydraulique. C'est ça. Ouais. On va écouter un morceau de votre nouvel album. On l'a passé plein du premier album, j'en ai passé quelques extraits. Vous avez fait un clip, d'ailleurs, on en parlera plus tard. Hein. Ouais. Et puis, Getting Through, mais Thierry, tu voulais écouter un morceau donc du dernier album. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est Days Will Come. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. C'est celui-là? Est-ce qu'il est là? Oui, c'est celui-là. Time spent together, tears to rain. Premier extrait donc, les Ghost Scrappers, de nouvel album Getting Through sur Fly FM dans l'émission Parasite en direct. Ce soir vous êtes là les gars, William, Fred et Thierry, le chanteur, buveur. Je t'ai eu hein. Attention. Ouais, je reprécise parce qu'en fait sur la page Manuar Fly FM, vous pouvez aussi intervenir et poser vos questions pour le groupe Les Ghost Scrappers qui est en direct ce soir pour le nouvel album. Et justement, on a Christophe Corroyer de l'émission Metal en gare après juste qui nous pose une petite question. Ça c'est pour vous. À quand une date au RATS ou au Monsters Art, ici à Fréjus, hein, là-bas. Ça a Puget sur Argent, ça. Puget sur Argent, ouais. Et puis oui, à centre-ville de Fréjus. Et vous allez répondre à cette question. Oui. Bah écoute, je suis en contact avec Eric. D'ailleurs, je dois le rappeler demain en fin d'après-midi pour essayer de. D'accord, c'était déjà un petit peu prévu. Bah écoute, c'est prévu, non, c'est pas prévu, il faut qu'on discute et puis. C'est dans le cadre d'une mini-tournée avec le groupe Nio. D'ailleurs, on joue avec eux le 21 octobre au Brin de Zinc. Et on essaie de se caler une autre date donc au RATS. Et puis, on va essayer aussi le jeudi soir de se caler une date à Alès, à l'Entrepote, chez notre pote Dimitri. Donc voilà, à voir. Vous avez déjà joué là-bas avec Sidi Larsen. Oui. On a joué en première partie de Sidi Larsen. Ouais. Une salle de concert qui est pas mal fréquentée, c'est bizarre parce que c'est un peu à l'écart de tout en fait. À Alès, l'Entrepote. Et ouais, moi j'y avais vu d'ailleurs les Black Star Riders et les anciens Team Easy. C'était assez impressionnant quoi. William était là, ouais. Ouais. Qui était, ouais. Non, la salle est super et. J'en ai prévu ce soir justement. Je sais que vous êtes un peu Black Star, ouais. Oui, un peu. Ouais. Non, ce qui est bien, en fait à Alès, il n'y a pas spécialement beaucoup de salles au rock. Même pas s'il y en a. C'est vraiment un coup où il n'y a rien. Je suis désolé. C'est le nord, Alès. Attention les gars, vous allez pas vous faire des copains. Non, on aime beaucoup Alès. Même Fly FM. Heureusement qu'il y a cette salle de concert. Ah oui, tout à fait. Oui. Et en plus ils sont super, toute l'équipe, ils sont adorables. Je ne vais pas citer toute l'équipe, mais en tout cas Dimitri, je lui fais un gros bisou. Et puis on était là pour la soirée de soutien aussi. Et il se bouge bien, il se bouge bien le cul. Quoi, et c'est des mecs en or. Quoi, et il faut être derrière eux. Il faut vraiment être derrière eux. C'est quand même grâce à eux qu'on voit les Black Star Raiders, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Quoi. Pas à Marseille, c'est même hallucinant d'aller voir Alès. Oui, c'est ça que je voulais dire en fait. Hein. Donc donc les concerts aussi donc à Puget sur Argent, ça fait juste tout ça c'est prévu à l'avenir à cet été. On ou après. Y travaille en fait. Hein. Comment? On y travaille. Oui, on y pour travaille. Ouais. Estival parce que je sais qu'il y a déjà le concert de Scorpion. Il y a oui, le 17 juillet dans les arènes. Ouais. Un concert, je sais pas, j'aurais pas trouvé les mots encore. C'est super pour nous. Quoi. C'est génial, ouais. C'est monstrueux, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez jouer devant 100 000 personnes. Tu es très mal renseigné. 13 000, la jauge complète, c'est 13 000. Ouais. C'est 13 000, et puis en plus, ce qui est génial, c'est que pour nous, enfant de Nîmes, enfant des arènes, quoi, tu vois, mettre le pied là-dedans, c'est monstrueux, quoi. C'est un kiff, quoi. Ah là, ouais, c'est un gros kiff, quoi. On revient au morceau qu'on a écouté auparavant, vous nous parlez un petit peu, le morceau, de quoi ça parle, pourquoi ce morceau. Pourquoi avoir choisi ce morceau en premier? C'est le titre, Thierry. C'est Thierry qui a choisi. Vous allez le jouer sur scène. Hein. Alors, non, on va pas le jouer sur scène, ce morceau. Moi, je finis mon amende. Non, on va pas le jouer sur scène pour l'instant, ce morceau. C'était Days Will Come. Ouais, c'était Days Will Come. De toute façon, comme tous les titres qu'il y a sur l'album, c'est des messages d'espoir remplis de lumière, hein Fred? Ah oui, surtout Days Will Come c'est vraiment noir. C'est une rupture. C'est une chanson de rupture en fait. Rupture avec des habitudes ou avec une femme si tu veux, avec ce que tu veux en fait, mais une rupture. Exactement, ouais. D'accord. Beaucoup dans le disque. D'accord, voilà. On l'a reçu il n'y a pas très longtemps, on ne le connaît pas encore bien, hein. Vous le connaissez par cœur, j'espère. C'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez votre album par cœur? Oui, bien sûr. Peut-être, on peut leur demander combien de temps vous avez mis pour enregistrer, combien de temps ça a duré? Ah, en tout. Ouais, ouais, pas, ouais. Depuis en le tout, début, parce que ça... En tout, non, parce qu'on va pas te compter la compo, les arrangements, les pré-prods, le travail et tout ça, mais l'enregistrement de l'album, les prises et tout ça, bon, c'est en temps effectif de travail, on va dire, parce qu'il y a eu un événement dont on va parler. Oui. En temps effectif de travail, on va dire qu'il y a... Allez, 4-5 mois, quoi. Voilà. 4-5 mois, voilà. Tout regroupé, exactement. C'est sur 4-5 mois. Et après, ça s'est étalé sur plus longtemps, parce que malheureusement, l'ingé son qui faisait les prises est décédé au cours de l'enregistrement. En fait, on était en train d'enregistrer les guitares de William. Oui. Et on avait rendez-vous le vendredi d'après. Et le vendredi d'après, on avait rendez-vous, effectivement, mais c'était pour le mettre en terre. Ah, putain. Et c'était surtout un ami. Mmh. Bon, il y avait la collaboration professionnelle aussi, mais c'était vraiment quelqu'un qui faisait partie de la famille. Donc, bon, difficile. Ouais, coup dur, ouais. Ouais. Hein. Et son fils voulait qu'on finisse d'enregistrer dans ce studio-là. Donc, il y avait quelqu'un qui travaillait dans ce studio avec lui, mm-hmm. qui connaît le matériel qu'il y avait à l'intérieur du studio, qui connaissait les lieux. Et on l'a sollicité, il a accepté. Donc, c'est Mathieu Croux, qui est guitariste de Verdun, donc oui, qui sera au Hellfest cette mm-hmm. année. Et ceux du Doom. Et donc il a accepté et il y a Julien Fabre qui s'est proposé pour faire le mix. Il est dans un studio en Suède. Ouais. Et après c'est arrivé il travaille avec Joran Finberg, qui est un des 5 meilleurs masterisers mmh. au monde. Et Joran a accepté de faire le mastering de l'album. Donc ça a été. Ouais, très très bien. Et vous êtes monté en Suède ? Absolument pas. Absolument non, pas, c'est juste pour le mix. Oui, oui, oui. D'accord. Le mix et le mastering ont été réalisés en Suède. D'accord. On a travaillé régulièrement en collaboration, tu sais, avec le net maintenant. Oui, en fait, on envoie les fichiers. Bah ouais. Oui, mais et on s'est fait souvent des réunions Skype pour parler, pour mettre au point les choses. Pour ça, Internet, franchement, c'est génial. Oui, c'est clair. Hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça. Hein. Bon, un Danois, un Suédois et un Américain dans le même groupe, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Hein. On gagne du temps. Hein. Pour répéter, c'est moins pratique. Mais... Ouais. Ah oui, ça, c'est clair. Hein. Évidemment, en tout cas, notre ami Micheton a continué à nous suivre et à nous guider et à nous guider vers ces gens-là. Quoi. C'est ça. Voilà, bon. En tout cas, condoléances pour votre ingénieur du son et Christophe Coury aussi, hein, participe aussi. Là, c'est des coups durs qui arrivent comme ça, hein, surtout en enregistrement. On est à 100% positif et puis bon. Mais vous êtes bien remis à cheval et d'ailleurs, je trouve que hein, Jean-Louis, on est d'accord, le son de l'album est vraiment énorme. Ah oui, oui. C'est 100% meilleur que le premier album. Hein. Le premier album, c'est un premier album. Hein, c'était autoproduit aussi, c'était peut-être pas pareil. Non, il n'y a pas photo. Son différent, expérience différente. Forcément, entre les deux albums, tu as là aussi tous les concerts qu'on a fait. Bien sûr, l'expérience. Exactement. 5 ans de différence aussi. Donc. Les compos, la façon dont on s'est trouvé musicalement dans le groupe et comment on peut faire passer nos idées, justement, nos idées artistiques, encore une fois, dans un ensemble. Ça, c'est... c'est... Du mieux jouer ensemble encore et ça fait que croître ça. Une cohésion artistique qui s'affirme surtout et c'est ça qui est génial quoi. C'est génial ouais. D'ailleurs on va écouter encore un titre, on entend un petit fond musical, là, je rebalance dès le début. C'est le morceau titre de l'album, tiens, ça va faire plaisir à tout le monde, tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent en ce moment sur playfm.fr. Le morceau s'appelle Getting Through, c'est parti. Falling in the night. FM à Pernes-les-Fontaines sur 89.9. Dans l'émission Paradis, c'est le groupe Born Again, un groupe de Besançon. Moi, je dis Besançon parce que je suis bourguignon. Besançon, ouais, avec voilà, ce groupe intitulé Born Again. Il sort son premier album Strike With Power. J'ai reçu ça dans Boîte Toilette il n'y a pas très longtemps. Et puis, j'avais un petit mot qui accompagnait ce CD. Il disait, tiens, Thierry m'a dit de t'envoyer le CD. Je crois que c'était Thierry des Ghost Crappers qui chantait sur cet album. Mais non, pas du tout. Non, non, je chante pas du tout sur cet album. J'aimerais bien. Ouais, ouais. D'ailleurs, je passe un message. Bah, c'est ça, casse-toi. Bon, tu peux faire deux groupes aussi. Hein. Oh, déjà, mais les gueules, c'est bien, quoi. Eh oui, oui, bien sûr. Chris Savouret, donc, à la guitare. Il y a un Thierry au chant, Christopher à la basse et Eric à la batterie. Un quatuor, donc, qui s'est formé il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous le connaissez. D'ailleurs, vous avez un point commun entre vous. C'est l'artwork de l'album. C'est le même dessinateur qui a dessiné la pochette de Band Again. C'est le même graphiste. C'est Stan W. Decker. Ouais, bon, Stan on peut en parler, d'ailleurs. Cette iconographie en face de ce chat, c'est un chat qui est sur la pochette de l'album. On rappelle que les Ghost Crappers, c'est les gratteurs de boyaux de chats. Avant d'avoir inventé les instruments de musique, on prenait des boyaux, si je me rappelle bien. Oui, alors, on avait inventé les instruments de musique, mais les cordes étaient en boyaux de chat, ouais, effectivement. Voilà, c'est pour ça que regardez pour le tennis. Roland-Garros. Alors là non plus, ils le font plus en boyaux de chat non plus. Non. Non, non, mais c'était ça. Et ouais, c'était un personnage. Le personnage a été créé par Claude Pelé. Oui. Et c'est ce personnage que Stan a repris. Ils ont été un petit peu en contact par mail pour voir comment l'évolution du personnage et tout ça. Et donc c'est le même personnage qui revient pour passer à travers. D'accord. Galimfo. C'est un chat, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'image de Parasite. Tu trouves un chat, toi? Moi, je trouve ça, ça ressemble à un chat botté. C'est ce que tu veux. Si tu trouves que c'est un chat botté, j'espère qu'il nous fera chausser les bottes de cette lieu. Je sais pas, je pense à ça. C'est joli. Ah non, c'est analysé, ça. C'est un chat. On se parle après l'émission. J'allais voir mon psy aussi. Non, mais c'est ce qu'on veut. Tu sais, il y a des gens qui voient dans la nouvelle pochette. Tu vois le truc I want you, c'est le ouais. truc américain. Et voilà, il y a des gens qui voient ça, donc c'est à étudier. Oui, après il y a les fans des comics aussi qui s'y retrouvent. D'ailleurs nous déjà, et puis voilà, ils se retrouvent dans un personnage un peu à la comics, quoi. Mm-hmm. L'artwork est donc réussi puisqu'il est à la mesure des textes où chacun trouve ce qui l'inspire. Ouais, et puis moi j'aime bien que vous gardez la même icône sur les albums, les mêmes dessins. C'est un peu comme Maiden, moi je reviens à Maiden. C'est un parti pris, c'est pas évident. Ça a été une grande question qu'on s'est posée quand même. Le premier album, qu'on a fait avec Claude, quand on a fait l'artwork du premier album, l'idée c'est ça, c'est si on fait franchement un personnage au départ, faut le garder, sinon il n'y a plus de cohérence. Voulait garder cette cohérence. Moi j'aime bien tout en changeant de style, parce qu'entre la première pochette et la seconde pochette, il n'y a pas vraiment, mis à part le personnage, c'est vraiment deux styles différents. Contrairement à Maiden où tu mets deux, trois pochettes à la file, tu vois bien que c'est peut-être ou pas le dessinateur, même c'est toujours Eddie. C'est toujours Derek Riggs qui fait le truc, voilà, c'est pour ça. Voilà. C'est toujours le même truc. Mais voilà, donc après. C'est amené à évoluer. Ça peut encore évoluer alors. Oui, bien sûr, heureusement. D'ailleurs. La prochaine pochette. Putain, moi, tant qu'il y a des albums de Gus Scrappers avec la même icône. Le Gus à la plage, le Gus dans l'espace. C'est le Martin des Gus Scrappers. On va dire ça. Il y a les Lyonnais qui nous écoutent. Enlevez-lui la bière, William. Je sais que vous aviez fait des précommandes en fait à une époque pour les albums de Gus Scrappers. Il y a les Lyonnais qui nous écoutent, ils avaient précommandé votre album il y a quelques mois. Donc on peut leur dire merci aussi d'écouter l'émission Parasite, bien sûr. Salut les Gones. Oui, les Gones. Et puis, ben voilà, hein, moi je dis toujours, écoutez l'émission et posez des questions en direct. Je vais lire les petits messages qui arrivent tout le temps. Hein. On revient au morceau Getting Through, donc c'est le morceau titre de l'album. Alors l'explication de texte ou comme à l'école. Explication de texte. Passé à travers. On peut le faire. Titre par titre, l'explication de texte, ou alors te donner directement la thématique de l'album, ça sera plus facile. Bah voilà, donner la thématique, comme ça m'en parle plus. Et donc, parce que d'ailleurs, vous avez bientôt joué un morceau en direct. Bien. La thématique de l'album, en fait, c'est la lumière intérieure, on va dire, en quelque sorte. Ouais. Et comment arriver à l'écouter dans cette société où tout nous pousse à aller très vite, et etc. Très vite, ouais. Exactement. Donc c'est comment réapprendre à prendre son temps et voilà, et écoutez les enfants que nous sommes, tous. Utiliser le rayonnement, quoi, et l'utiliser à bon escient pour soi et pour tous les gens qui nous entourent, quoi. Mm-hmm. Et je te jure, ça marche. Hein. Et puis il faut prendre le temps aussi d'écouter en intégralité l'album. Maintenant c'est tout du MP3 de partout, les lecteurs, les jeunes maintenant ils sont comme ça. Nous à l'époque on se rappelait les 33 tours, on mettait une face, on retournait le disque 33 tours. Putain, et vieux, tu sais qu'en fait... J'achète toujours, alors, attention, attention les jeunes. Si je me permets d'intervenir. Ça revient Allez-y. Tu remarqueras, si tu as bien écouté le premier album et l'organisation en fait des titres du second, c'est la même chose. En fait, on l'a pensé comme un vinyle, en fait. Parce que alors, on va parler du premier, je vais parler de celui-ci. Mm-hmm. Il y a une progression qui est identique au premier album. Un peu comme Metallica sur Master et Justice for All. C'est pas en termes de progression, c'est qu'on a voulu que ce qui pourrait être. On va le faire en vinyle, c'est prévu. Ce qui va être le premier titre de chaque face soit un titre de face A qui accroche, marquant de suite, qui accroche, et c'est comme ça qu'on l'a construit autour de ça en fait. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on parle de moi aussi, je suis de la génération vinyle comme tout le monde autour de la table. Oui, bien sûr. Si tu fais bien attention à certains groupes qui sortent, les groupes qui sortent des albums aujourd'hui, je pense qu'ils pensent aussi un peu comme ça. Ouais, on revient en vinyle, ouais, on revient en vinyle, forcément. Si tu attaques par exemple la phase 2 avec un slow. Oui, ça va pas. Alors qu'il n'y en a qu'un dans l'album et que le reste c'est du bourrin, ça fait un peu bizarre dans clair, la construction. C'est clair. Voilà, j'ai fini, merci, bonsoir. Ok, à bientôt. Super, merci William. Non mais belle explication de texte, donc ça veut dire que vous allez sortir bientôt une édition en vinyle, donc ça c'est une bonne information. C'est prévu. Oui, oui, oui. Et en plus avec la pochette magnifique, avec la pochette, on y tient absolument. C'est plus tard, vous rééditerez le premier album aussi, j'espère. Il y aura aussi des nouveaux t-shirts aussi. Ah oui, les t-shirts, ouais, c'est bien ça, pensez au merchandising pour les concerts. Oui, oui, parce que les concerts cet été, on en a parlé rapidement, il y a le concert de Scorpion, donc le 17 juillet. Il y a d'autres concerts prévus pour l'instant? Oui, alors donc on est le 6. Le 6 juillet, on sera dans un festival qui s'appelle Les Rencontres du 23e type. Oui. Ça se passe à la Souterraine, c'est dans la Creuse. À la Souterraine, C'est pour ça 23. D'accord. Et, exactement, pour ça 23. Et donc, il y a Cinz Emilia, il y a d'autres artistes. Vous allez voir, on est dans un deuxième festival le lendemain à Évaux-les-Bains. À Évaux-les-Bains. Donc, où on est tête d'affiche le 7 et le lendemain, c'est le 8, c'est Nashville-Pessy. Mmh. Voilà, ensuite, effectivement, on sera le 17 juillet aux arènes de Nîmes en ouverture de Scorpion. Oui. Ensuite, le 11 août, on sera à Sainte-Feyre au fil du temps avec le groupe Lizard, où on va jouer à... C'est encore dans la Creuse, mais de toute façon, on va finir par habiter dans la Creuse. On viendra vous voir. L'idée d'aller habiter là-bas. On continuera à venir vous voir. Toujours avec plaisir, évidemment. On va passer une page musicale maintenant et vous allez jouer juste après un titre en direct acoustique, une version acoustique. Je veux juste dire un petit mot sur un groupe qui s'appelle Whitefoot qui habite à Aix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'eux. Joe est le guitariste, compositeur principal. Ils ont juste une démo et c'est au boulot. Bah, un mec que j'ai rencontré, que je connaissais depuis très longtemps. Et il me dit son frère, il joue dans un groupe métal. Donc du coup, j'ai contacté Joe et il m'a envoyé trois titres démo. On en passe un ce soir pour découvrir déjà. Bon, c'est un son avec démo. Plaisir. Hein. À ne pas comparer avec votre dernier album. Et tout petit, mais c'est pas grave, ça permet de découvrir le groupe en tout cas. Le groupe s'appelle Whitefoot et il tourne surtout sur Aix. Hein. Ils ont joué au Portail Coucou. Et le mec, il est prof de guitare, basse, batterie, enfin il fait tout quoi. Multi-instrumentiste, il est pas mal. Donc on découvre maintenant en direct sur l'émission Parasite où le groupe s'appelle Whitefoot. Merci Manu. Toujours en direct dans l'émission Parasite avec le groupe Ghost Crappers qui va jouer en direct maintenant. Moi déjà vous avez un grand coucou de Meryl Rigna qui tu lui fais un gros bisou à Meryl. Allez, on lui dédicace ce morceau aussi à Sylvie la coquine qui écoute sur FM.fr bien sûr. Gros kissou. Vous jouez en direct. Vous avez joué quoi? On va vous jouer Let Me Tell You. Et c'est parti. Feelings come around, unknown where I feel I could be them. I'm sure I can, but I was wrong. Toxic dreams in my mind, I had no idea what it was until it broke everything around me. Bring out the truth. I realize I had to jump my way, fighting against myself. I am at the church to look with different eyes. Thank God I wasn't sure exists. Let me tell you why I'm ashamed. Don't care about my fears. Let me tell you we won't be the same. Let me tell you why I'm ashamed. Don't care about my fears. To live the days to come. Thank God I want to truly exist. Yeah, like yesterday, I will be hurt. I will be hurt. Let me tell you, it won't be the same. Let me tell you why I'm ashamed. Don't care about my fears. Let me tell you, it won't be the same. Let me tell you why I'm ashamed. Don't care about my fears. Tell you why I'm the shame. Don't care about my fears. Let me tell you it won't be the same. Let me tell you why I'm the shame. Don't care about my fears. Let's be. Come on, motherfucker! Let me! Come on, guys! Yeah! Let me! Bravo, bravo, bravo. Les auditeurs et auditrices étaient à l'écoute, on nous fait des remarques très sympathiques pendant que vous jouez. Ça passe super bien, évidemment, et très beau morceau, évidemment, avec ce petit passage acoustique dans l'émission Parasite. Ça le fait, hein, ça le fait carrément. Ah oui, excellent, excellent. C'est super trippant. Bah oui, hein, et on le refera hein, dans quelques dizaines de minutes maintenant. Il y a un autre morceau prévu, ce morceau s'appelle donc, on l'appelle Let me tell you. Let me tell you. Laisse-moi te dire. Ah oui, on va tout se dire ce soir, on va tout savoir sur l'album. Scrappers en live dans le studio de Fly FM. Il y aura des photos après. On voit ça sur internet. Ça. Oh yeah. David Lynch, non, George Lynch. Pas un cinéaste, un guitariste. J'adore. C'est bien David aussi. Ah oui, c'est bien David aussi. On a les mêmes goûts de toute façon. Moi bien les guitares. Allez, on va continuer en musique, on va prendre nos esprits, on boit une bière et puis on revient dans quelques minutes avec un groupe de la région qui s'appelle Flayed. C'est pas mal aussi, c'est assez jouissif, assez festif. On écoute ça, Flayed. Oh yeah. Rock and roll. Oh yeah baby. Let me pass through this insecure. Let anybody out, walk out on the grass. FM. Fly FM.